Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, on aura beaucoup de nouveautés. En fait, les 9 premières chansons de l'émission sont toutes de 2019. On aura Il Giardino Onirico d'Italie. On aura Banco del Mutuo Soccorso d'Italie aussi, Introitis de Suède, ESP Project d'Angleterre, Conqueror d'Italie, Spiral Orchestra de Suisse, Gvasar d'Espagne. Et le dernier bloc de l'émission, bien, c'est consacré, c'est une première qu'on aura ici à Rock de Neurones, c'est un bloc consacré aux artistes qui ne sont pas des artistes de rock progressif, mais qu'on peut qualifier de rock progressif par association. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas étiqueté rock progressif par les experts, ils nous concoctent à l'occasion des pièces qui sont, elles, définies comme progressives. Alors, je mentionne ici, il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai trois à l'émission d'aujourd'hui. J'ai Dire Straits d'Angleterre, Loggins and Messina des États-Unis et puis David Gates des États-Unis. Alors, on débute comme à l'habitude avec l'album de la semaine et aujourd'hui, bien, on a un groupe d'Italie, c'est Il Giardino Onirico. C'est un groupe qui existe depuis une dizaine d'années. Ils ont trois albums studio à leur actif, le dernier étant Apophenia. Alors ça, c'est un album qui comporte 7 chansons pour un long total de 77 minutes, en fait 78 minutes. Et la particularité des Giardino Onirico, ce sont des musiciens qui font presque des chansons instrumentales, en fait des pièces instrumentales. Et pour l'album, cette fois-ci, ils se font accompagner d'artistes invités, dont le chanteur Alessandro Corvaglia, qui, pour ceux qui le connaissent, a œuvré au sein de la formation Delirium. Alors, moi, je vous propose de cet album-là deux pièces, Lacrimae di Stelle et puis Aletheia. Alors, on y va tout de suite avec Il Giardino Onirico. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. OK, si on regarde dans le rétroviseur, on avait avant la pause le groupe italien Il Giardino Onirico et on a entendu deux pièces tirées de leur plus récent album Apophenia. Alors pour ce deuxième bloc, on continue avec l'Italie et on aura Banco del Mutuo Soccorso et deux extraits de l'album Transiberiana. Ça, c'est sorti il y a quelques mois déjà. Et ça se trouve être le 19e album studio du groupe. Et il s'est passé quand même 25 ans avant qu'il retourne en studio. Alors, c'est quand même... c'était attendu. Même si le chanteur Francesco Di Giacomo, qui est décédé il y a plusieurs années, a été remplacé par un certain Tony D'Alessio. On ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que D'Alessio, ce n'est pas quelqu'un qui est très connu, en tout cas que moi, je ne connaissais pas. Il a œuvré au sein de... peut-être 3-4 groupes italiens là, entre 1990 et 2005, mais c'est tout. C'est pas mauvais comme interprétation, mais bien entendu, c'est très loin de ce qu'on est habitué avec M. Di Giacomo. Alors, on aura deux extraits de Transiberiana, et ensuite, on aura un groupe de Suède. Il s'agit de Introitus. C'est un groupe qui est rendu à son 4e album studio. L'album s'intitule Shadows et je vous propose la pièce Awakening. Et pour conclure le blog, on a un groupe projet, ça s'appelle ESP Project. C'est un regroupement de plusieurs musiciens qui viennent d'horizons différents, mais ce sont tous des grosses pointures. Là. C'est des musiciens qui ont œuvré par-ci par-là au sein de King Crimson, Van de Graaff Generator, pour nommer les plus connus. Il y a Landmark aussi. Alors, ESP Project est rendu avec son 3e album studio, ce qui devait être probablement un projet passager, mais c'est rendu avec 3 albums et l'album s'intitule The Rising. Alors, on débute ça avec Banco del Mutuo Soccorso. Offerti allo sguardo è un dono inatteso, tutta questa neve bianca come promesse nuove di felicità diversa. Devi guardare sotto la neve, promesse inattese. Fragole sotto la neve germogliano, non dubitarne mai, non farlo più, e non scordarti mai che c'era il vento e la musica, non ci provare ad arrenderti, non farlo mai. Non sarà mia.

dark awake, synapse firing away, no sign of slowing down. I feel so unmade, the pieces all look the same, endless hope. Practice the smiles I make. I'm always feeling fine. Walking the streets in a daze, reflections lie to my face. Borrowed space and time. Ashamed. Around me a sea of blame, an open door for you, changing with the shade. sky. Deny the time. Formless. It's only waiting for your world to come undone. Sitting in your shadow, we are one. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, j'aimerais rappeler aux auditeurs que toute l'information concernant la musique que vous avez entendue aujourd'hui à l'émission, bien, vous pouvez retracer toute cette information-là sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, pas besoin de prendre de notes et, parce que c'est souvent très compliqué. Il y a des groupes qui viennent... la Scandinavie, c'est pas toujours facile à retracer les noms et les pièces. Alors, je vous facilite le travail. Alors, consultez la page Facebook de l'émission. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi que vous allez pouvoir retracer là. Alors, pour le troisième bloc, on va aller encore du côté de l'Italie avec le groupe Conqueror. C'est un groupe qui existe quand même depuis 15-16 ans. Ils ont fait paraître il n'y a pas longtemps In Orbita, leur sixième album studio. Et je vous propose la pièce Verso un nuovo mondo. Et tout de suite après, bien, il y aura Spiral Orchestra. C'est un groupe de la Suisse, un collectif d'une vingtaine de musiciens qui viennent de faire paraître leur premier album Atlas Arc. Et la pièce que vous allez entendre, c'est Uprising. Et en fin de bloc, un nouveau groupe de Suède. J'ai mentionné l'Espagne en début d'émission, mais c'était une erreur de typographie. Alors, Kvasar, K-V-A-S-A-R, c'est un nouveau groupe de jeunes musiciens suédois. Et la pièce, ben, c'est Peter, c'est un extrait de l'album homonyme, Kvasar. Alors, on y va tout de suite avec Conqueror d'Italie. Thank you. vivere questo tempo che non tornerà. Fiumi d'argento, montagne di roccia forte come le mani e la mente adesso. Una sinfonia di colori, pioggia di rumori, calmano, annientano ogni traccia di pensiero che non riesce ancora a credere, non vuole ammettere che ci sia un'altra forma, un'altra immagine di sé. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, c'est déjà le dernier bloc de l'émission et on va y aller avec une particularité cette semaine, c'est qu'on aura du rock progressif par association. En anglais, ils appellent ça du prog related. Ce sont des groupes qui ne sont pas étiquetés rock progressif, mais qui flirtent avec le genre. Les plus connus sont Led Zeppelin et Queen, mais il y en a plusieurs autres. Et moi, je vous en propose trois. C'est Dire Straits, avec Mark Knopfler, le guitariste, là, qui a été très bien connu avec Sultan of Swing. Et ça date de 82. Puis moi, je vous propose Private Investigations, qui est sorti de l'album Love of Gold. Et ensuite, Loggins and Messina, ben, Kenny Loggins, que tout le monde connaît pour, parce qu'il est associé avec le film Footloose et la musique qui est un peu pop-rock, là, mais ils ont, avec M. Messina, il a sorti sur Full Sail une pièce, moi, que j'écoute depuis 1973 sans me lasser, c'est Pathway to Glory. Et il y a M. David Gates, le chanteur du groupe américain Bread, qui lui aussi a flirté avec le rock progressif, mais sur une seule chanson qui est assez douce, mais qui se termine par quelque chose d'assez éclaté en termes de mélotron et de synthétiseur. Ça s'appelle Sweet Clouds and Rain. C'est tiré de l'album First. Ça aussi, c'est de 1973. Alors, allons-y avec du prog par association. Thank you. He's a man in his glory, a boy in his dreams, and he's living his life in between. Tomorrow will answer for yesterday's dreams, while today he is living in between. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words, they're telling lies. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words. He rejoices in wedlock with a lover unseen, and he's living his life in between. He thinks of the sorrow that his conscience will bring, and he's living his life in between. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words. Beware. measures his wisdom from sorrow he deems. He's living his life in between. The pathway to glory is a long road, it seems, and he's living his life in between. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the word and lie. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the adrift so far below, ever changing as they come and go, makes me wonder why I'm up so high when really I am down so low. Of all the wonders I secrets no one else could know, for I'm the one who told them so. Alors, c'était David Gates et la pièce Sweet Clouds Rain tirée de First. Ça, c'est paru en 1973. Et auparavant, on avait Loggins and Messina et Pathway to Glory tirée de Full Sail. Ça aussi, c'était en 1973. Et en début de bloc, on avait Dire Straits avec Private Investigations tirée de Love of a Gold. Ça, c'est paru en 1982. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette émission. C'est la 229e. Alors c'est Jimmy Farley qui vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurone pour y retrouver toute l'information concernant la musique qui a été jouée aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurone.